bienvenue à tout le monde. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Lou Marin. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire deux mots sur Lou Marin. Donc Lou Marin est à Marseille depuis une quinzaine d'années. Il est né en Allemagne. Il a participé notamment au mouvement contre les centrales nucléaires et au mouvement écologiste des débuts des années 1979 et des années 80. Participe à une revue qui s'appelle Grâce d'autres révolutions. Donc après, vous aurez des bonnes prononciations. Pour l'instant, elles sont mauvaises. Vous aurez une très belle prononciation. Parce que Lou Marin est marseillais, mais il a gardé le contact avec son pays d'origine, ce qui permet cette conférence d'aujourd'hui. Et l'accent aussi. Donc tu es l'auteur d'articles dans cette revue et puis de livres, soit des traductions, soit des recueils de textes, et notamment Lou Marin est célèbre pour avoir réuni la plupart ou presque tous les textes qui avaient un rapport avec l'anarchisme d'Albert Camus. Et cela, c'est pas le premier à avoir parlé des rapports de Camus avec l'anarchisme. Il y avait Théodosio Berton et puis qui d'autre, Progresso Marine aussi, il y avait des petites brochures. Mais bon, ce recueil, ça a quand même fait date dans la connaissance de Camus et de ses idées politiques qu'on ne connaissait pas tellement. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui s'est approprié tout le travail de Lou, qui s'appelle Michel Onfray, qui a sorti un bouquin et qui a fait croire que c'était lui qui avait découvert ça quelques années plus tard. Donc, son dernier livre, il est là, il est sur Rirette Maître Jean. Donc, un personnage connu qui est... C'est en allemand, mais bon, en français, on a le livre d'Alstener, notamment. Donc, on a des éléments, je ne sais pas s'il y a des découvertes, peut-être tu as fait quelques... Enfin, tu pourras nous en parler après. Donc ça, c'est son dernier livre. Et puis, tu animes, et il y a des gens qui font partie de ce groupe de réflexion, le CLMN, le Cercle Libertaire Non-Violent de Marseille. Donc, c'est le but de ce groupe de réflexion, c'est de réfléchir justement sur l'action non-violente et de chercher à la fois chez les non-violents des aspects libertaires et le contraire, et chez les libertaires des aspects non-violents. Donc, j'ai fait des petites recherches avant de venir, c'est 3-4. Et depuis qu'il est arrivé à Marseille, il s'est précipité sur le CERA et il est adhérent et militant au CERA depuis cette époque. Et tu, en tant qu'intervenant, c'est la sixième fois que tu nous parles. J'ai fait des recherches. Donc en 2002, tu nous as parlé de l'anarchisme de langue allemande. Donc ça, c'est un texte qui est en ligne sur le site du CERA. Si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment intéressant parce qu'il passe en revue et c'est vraiment méconnu chez nous. Hein. Nous, on connaît bien l'Espagne, un peu moins l'Italie, et l'Allemagne, alors là, on connaît rien. Donc, d'où l'intérêt de la causerie qui va suivre. En 2006, tu nous as parlé des rapports de Simone Veil et de l'anarchisme. En 2007, l'héritage de Gandhi. Et en 2008, Camus et les libertaires. Et aussi en 2010, Autourski. Donc, c'était la première édition du livre qui en est à sa quatrième édition. Alors, on ne l'a pas porté, il doit y en avoir un en vitrine là-bas. Et donc, à l'origine, c'était une maison d'édition qui a été fondée par nos amis Claire Rosias et Arthur, que vous avez peut-être connus, qui s'appelait Egrégor. Et après, le livre est passé chez Indigène, qui est célèbre pour avoir édité Indignez-vous, c'est un lapsus, Indignez-vous de Stéphane Essay. Voilà, bon, mais écoute, je crois que j'ai à peu près tout dit comme présentation, je te laisse la parole. Donc aujourd'hui, tu vas nous dire de quoi tu vas parler. Bon, merci Philippe, merci d'être venu, ça fait plaisir. Peut-être en ajoutant quelques remarques de ce que tu as dit, pour ceux de nous qui se laissent peut-être enthousiasmer aujourd'hui, on fait ce cercle libertaire en violon de Marseille, on rencontre une fois par mois, notamment chez Sylvie, qui est là, qui fait partie de ce groupe de réflexion. Et si vous êtes intéressé, je vous invite, j'ai mis un petit liste là, laissez vos adresses mail ou vos numéros de téléphone et je vous envoie la notification. Celle-là. Ouais. On va faire encore un été, en juin probablement. Et vous êtes bien invité de laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé à la continuation de ce travail. Moi, quand je suis venu ici, je voulais surtout un peu apprendre de certains courants qui m'intéressaient de l'anarchisme français et faire un travail pour enrichir les connaissances dans la région et les pays germanophones. C'est pour ça que j'ai mis le travail sur Camus, Simone Weil, j'ai fait des traductions de français vers l'allemand. Depuis quelques années seulement, je me sentais aussi mûr de faire la direction à l'inverse, d'essayer de traduire de l'allemand vers le français des textes de cette tradition de l'anarchisme non violent d'où je viens, dont j'ai milité en Allemagne plus qu'une vingtaine d'années, qui des théoriciens, des militants qui ne sont pas vraiment connus ici. Donc c'est un peu ça a commencé avec Fritz Oetter, que je vais présenter en tant que dernier aujourd'hui, et aussi Clara Wichmann, avec je vais commencer. Et je suis très heureux que ce livre est maintenant là parce que ce n'était pas complètement sûr. Et c'est maintenant, c'est paru il y a seulement 3 semaines, je pense, ou quelque chose comme ça. 15 jours. Non. Et bon, peut-être ce travail se fait un peu aussi dans une connexion, on peut dire, ou un échange qui s'appelle Collection Désobéissance Libertaire avec notamment André Bernard et Pierre Sommermeyer qui sont été des militants de la tradition française de l'anarchisme non violent qui ont milité déjà dans les années fin 50, début 60 en tant qu'objecteurs de conscience contre la guerre d'Algérie. De la CNV, Action Civique Non Violente. Et bon, j'ai pris contact déjà depuis les années 80-90 avec eux. On est entré dans l'amitié et c'est un peu notre but de faire présenter des livres, des textes sur l'anarchisme non violent au niveau universel. Tout ce qui est. Ici, c'est à la vente, donc dans la table auparavant. Ça fait partie de cette liaison, notamment là, dans la collection Désobéissance de la Terre. Il y a aussi très récemment les anarchistes contre le mur entre Israël et les Palestiniens, puis l'antimilitarisme en Turquie. Et les derniers qu'on va parler. Il y a des œuvres d'André Bernard, et par rapport à Clara Wichmann, avec que je vais commencer, il y a aussi un livre que je veux dire, L'existence et l'anarchisme au pays de Provost. C'est un livre de l'anarchiste hollandais qui vit en France, Tom Reutermann, avec qui j'ai aussi échangé dans les traductions. Ces traductions sont un travail collectif. Pour qu'il fait la correction un peu en tant que connaisseur de langue hollandais. Bon, maintenant je vais commencer avec Clara Wichmann. Clara Wichmann, je vais vous dire, pour notre courant d'action directe, non violente, anarchiste, qui existe à l'issue du mouvement. Étudiante depuis le début des années 60. Là, le journal était né en 72. S'appuie sur des traditions différentes. Donc, Clara Wichmann fait une de ces traditions. Elle est une anarche féministe non violente. Et je peux, la signification pour nous, je peux vous seulement montrer. Là, c'est un numéro de 88. En 88, il y avait une sorte de crise, un débat de réorientation. Il y avait un petit trou dans la mobilisation antinucléaire. La chute du mur n'était pas encore passée. C'était en 89, ça a un peu renfloué le mouvement. Et là, dans la crise, il y avait une tentative au sein de ces mouvements-là de faire une ouverture du journal, de ne plus le laisser anarchiste non violent, de l'ouvrir d'un côté vers le parti des Verts et de l'autre côté vers le groupement des autonomes, donc faire beaucoup plus rassembleur, vaste, ou choses comme ça, mais plus libertaire ni non violent. Et là, il y avait un contre-courant qui a gagné la bataille interne, et on a fait un numéro de base des principes, des textes fondateurs pour ressaisir, pour réaffirmer un peu le pensée. Et donc là, vous pouvez peut-être être étonné que, en tant que ce numéro de réaffirmation, on a mis deux personnages phares de l'anarchisme, un équivoque et une signification, et c'est Bakounine et Clara Wichmann. Donc là, vous voyez déjà l'ampleur de Clara Wichmann pour ce pensée-là. C'est dû notamment à Gernot Jochen, qui est un chercheur issu de ce courant-là, qui a issu on peut dire même un livre phare, des recherches sur les Pays-Bas, la tradition de l'antimilitarisme, révolution sociale et l'anarchisme non-violent en Pays-Bas, notamment dès 1890 jusqu'à 1940. Et ce livre-là, ces recherches-là, elles sont parues au début des années 70, et on a eu la possibilité, à cause de ces recherches, de vraiment fonder notre pensée, notre action directe au mouvement, sur les connaissances de cette tradition en Pays-Bas, qui était toujours très important pour nous. Bon, pour rentrer un peu sur Clara Wichmann, en fait, elle était une vie très très courte, 1885 jusqu'à 1922, elle est morte à la naissance de sa première enfant. Et elle est née à Hambourg, donc elle est d'origine allemande, mais très tôt, avec ses parents, ils sont allés aux Pays-Bas, à Utrecht. Elle a fait ses études à l'université de Utrecht. Elle a écrit toute sa vie sa journal intime en langue allemande, mais tous ses textes politiques sont parus et écrits tout d'abord en hollandais. Mais c'était souvent directement sa mère qui l'a traduit, pas tous les textes, mais les textes phares qui sont été traduits ici aussi, et qui sont été publiés déjà à l'époque, en même temps, dans des journaux libertaires, soit en Allemagne, soit en Vienne, en Autriche. Donc, il y avait à la fois une réception de ses écrits en Pays-Bas, très fort, mais aussi dans les pays de langue allemande. C'est surtout son mari qu'elle a rencontré en 1917, c'était un des premiers objecteurs de conscience en Pays-Bas, Joe Meyer, qu'elle a marié en 21. C'est pour ça qu'elle s'appelle parfois aussi Clara Meyer Wichmann. Qui a publié, notamment post-mortem, ses écrits qui sont parus jusque-là, notamment dans des journaux libertaires en Pays-Bas. Et elle a écrit vraiment beaucoup, elle n'a que 37 ans, mais elle a écrit vraiment beaucoup. Et parfois, je le compare, parce que je connais aussi un peu avec l'œuvre de Simone Weil, qui a eu aussi une très courte vie, mais qui a écrit des textes très très fondateurs et autant dans sa courte vie-là. Il y a plusieurs engagements militants de Clara Wichmann, la première déjà dans sa vie étudiante en Pays-Bas, dès 1908, et elle fait partie du mouvement des femmes, elle a commencé avec ça, et ça c'était commencé tout à fait normal, elle était suffragette, donc elle a soutenu le droit de vote pour les femmes. Mais en même temps, ses écrits sur ce sujet-là, ils vont très vite au-delà de simples propagande pour l'affranchissement des femmes. Je cite, le mouvement des femmes doit se comprendre comme un mouvement social pour quelque chose n'ayant pas encore été réalisé. Donc c'est très vite une dimension utopique là-dessus. Et avec ça, elle développe aussi dans ses études très vite une philosophie de l'histoire. Il y a un de ses guerriers qui l'appelle souvent la première philosophe de l'histoire de la non-violence, parce qu'elle met en relation le niveau de l'émancipation de femmes dans une société avec le niveau de l'émancipation historique de la société entière. Et elle fait ça aussi avec la capacité d'une société de mener des conflits contradictoires sans recourir à la violence. Et là, elle dit aussi une société qui réussit vraiment de mener ses combats sans violence est plus progressée dans l'histoire qu'une société qui n'arrive pas qui le fait avec des violences ou la guerre civile. Donc elle a tout de suite une perspective de philosophie de l'histoire dedans. Donc le mieux, la position de femme en tant qu'émancipatrice dans une société, le plus progressiste, elle évalue l'état de cette société dans l'histoire. Sur cette engagement dans le mouvement de femmes, il y avait jusqu'à aujourd'hui, il existe en Pays-Bas un fonds Clara Wichmann pour les procédures devant les tribunaux pour les cas que l'on estime essentiels à la lutte féministe et aux droits de femmes. Donc ça reste une partie de l'héritage de Clara Wichmann. Une deuxième, et je veux entrer aussi un peu avec ça dans les textes, un deuxième champ très important pour elle de se consacrer sur des sujets, c'est fin de ses études, en 1912, à Utrecht, sa maîtrise dans les études de droit est titrée « Réflexion sur les fondements historiques de la transformation de la notion de punition dans le temps présent ». Et là, elle pratique après ses études une demi-année en tant qu'avocat. Mais elle arrête très vite et elle dit, dès 1914, elle a un poste au bureau central de la statistique de la Haye, où elle a tous les données de statistiques du crime qu'elle utilise pour ses écrits, notamment sur le système pénal en général. Et en 1919, je dois dire peut-être à côté que... En passant que dans la Première Guerre mondiale, le Pays-Bas était neutre, mais toujours menacé que un des pays guerrières, notamment l'Allemagne, vont envahir. Donc ce n'était pas en sécurité, mais c'était neutre et finalement il n'y avait pas de. Mais il y avait toujours une menace. Donc en 1919, après la guerre, Clara Wichmann est à l'origine du comité d'action contre la nation de crimes et de punitions. Et tout son travail de cette organisation, c'est de combattre l'institution pénitentiaire. Et je vais vous citer un peu, parce qu'un de ces textes qu'on a publié, c'est sur ce sujet-là. D'abord, peut-être en tant que remarque, de 1987 à 2004, ont existé aux Pays-Bas un institut Clara Wichmann et à l'Université de Rotterdam, faculté de droit. Au cours des années 60, un cercle de débat, de discussion Clara Wichmann sur le droit pénal qui existe toujours. D'ailleurs, l'institut a fermé, ça n'existe. Et une dernière remarque sur le travail sur la critique du système pénitentiaire. Arthur Lenin, qui était un anarchiste très célèbre, qui était secrétaire de l'AIT pendant la Révolution espagnole, aussi un militant dans les Pays-Bas, des anarchistes et publicistes des œuvres de Bakounine aux Pays-Bas, écrivait en 1932 un hommage à Clara Wichmann, qu'avec son décès, la science du droit criminel a perdu sa pénaliste la plus originale, et que la personnalité et l'esprit de Clara Wichmann continuent de vivre pleinement et que son œuvre conserve son rayonnement. Donc là, je vais vous citer justement l'idée de ces petites brochures, des traductions de ces petits textes, c'est pour vous donner juste un peu boucher, un peu une attirance. Ça ne correspond pas du tout de l'ampleur de l'œuvre de Clara Wichmann, qui contient en hollandais 6 ou 7 recueils des articles et des textes, 6 ou 7 livres. Donc c'est vraiment très beaucoup qu'elle a écrit. Donc là, c'est un texte fondateur de cette organisation contre le système pénal. Ça s'appelle La cruauté escorte le crime et la punition, 1919. Et là, première chose, c'est. Elle dit la prison, elle fait une analyse des prisons en général, et elle dit la prison rend impossible toute amélioration du criminel. La prison ne peut pas rendre meilleur. Et le résultat d'un tel souhait aboutit à ce que beaucoup quittent la prison en étant encore plus dangereux que lorsqu'ils y sont entrés. Donc, si on pense à des terroristes islamiques, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est précisément là ce qui est barbare et inutile. Tout le concept de la punition est entièrement négatif. Et dans la mesure où on en trouvera toujours quelques cas individuels incorrigibles, qu'il semble impossible d'éveiller à quoi que ce soit, tant dans leur être. Ils paraissent pervertis et inhumains, il vaut mieux qu'on les considère et qu'on les traite comme des malades et qu'on ne songe pas plus à les punir qu'on ne le punit aujourd'hui les fous. Donc c'est le maximum qu'elle concède à une société capitaliste existante, c'est l'exil, c'est l'asile. L'asile comme ou les maisons de surveillance, comme pour les fous, aussi pour les criminels. Mais avec le changement de société, son but va beaucoup plus loin. Et ça, c'est nous ne luttons pas seulement contre les dérives du système d'isolement du régime pénitentiaire et contre le système carcéral lui-même, dont nous sommes intimement persuadés de la nuisance. Ni non plus seulement contre le système pénal dans son ensemble, nous luttons contre le principe pénal lui-même. Contre l'ancienne et antique doctrine des débuts de l'humanité selon laquelle on doit répondre à la méchanceté par la méchanceté, nous posons d'autres principes de vie. Ne jugez pas. Ne vous vengez pas, ne punissez pas, ne récompensez pas. C'est que indirectement que le crime peut être combattu. Ce n'est pas par l'anéantissement, mais au contraire par le réveil des forces, par la transformation des tendances destructrices en forces créatrices et constructrices. Donc ça va en ensemble avec une révolution sociale. Et elle met en garde notamment un point de vue très courant et habituel sur le système de criminalité. Pourtant, nous ne venons pas à vous, gens honnêtes et sans antécédents judiciaires, pour susciter la pitié envers les prisonniers et pour demander quelques misérables améliorations sur la façon dont vous voulez traiter vos semblables. En fait, nous nous adressons à tous. À vous, vierges de délit, et aussi à vous, repris de justice, et nous vous appelons à défendre la dignité humaine. Vous, les gens, les honnêtes gens, examinez votre société et sa pratique de la punition. Vous, les accusés, les condamnés, les libérés, tenez-vous pour des êtres humains véritables. Et c'est cela qui nous importe avant tout, que vous cessiez d'exiger sans cesse et uniquement un changement de mentalité ou une amélioration chez les criminels. Tout pourrait être tellement différent. Dans une communauté véritable, ce qui dominerait serait une disposition à l'entraide et à dépasser nos erreurs. Nous devrions pouvoir abandonner nombre de nos intérêts immédiats. Nous chercherions à nous comprendre et à nous supporter les uns les autres. Nous ne ferions pas, et avant tout, attention à nos biens personnels menacés, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais prêterions attention à cet être humain qui doit lutter contre lui-même. Nous serions alors conscients qu'à chaque fois qu'un être humain échoue dans cette lutte, c'est notre responsabilité à tous, de la société ensemble. Donc ça, c'est juste un extrait de ce texte sur l'abolition du système, pas seulement pénitentiaire, mais du principe pénal dans la société. Et je voulais... Encore 10 minutes. Encore 10 minutes. Parce que je m'ai donné 32 minutes pour chaque personne. Je suis très heureux. Je peux vous alors parler sur un troisième champ. Elle a abordé beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de sujets. Un peu, elle a écrit sur des écoles libres, notamment de Montessori. Elle a propagé les droits des enfants. Puis, elle a aussi travaillé déjà sur les droits des animaux. Notamment, elle a fait une distinction entre les animaux domestiques et sauvages. Et il a dit que les animaux domestiques ont toujours une relation avec l'être humain, beaucoup plus qu'avec leur père de leur race animale. Donc, elle exige un droit pour les animaux domestiques. On a intégré un texte d'elle, par exemple, sur un livre en allemand qu'on a fait sur les traditions anarchistes de végétalisme anarchiste. Là, il y a un texte d'ailleurs, des lycées reclus qu'on a traduit, mais aussi de Clara Wichmann. Donc elle aborde beaucoup des sujets. Et un autre sujet, c'est bien sûr, c'est l'antimilitarisme. Il y en a plusieurs textes, parce qu'ils sont très fondateurs, sur l'antimilitarisme et de ce qu'elle entend sous non-violence, dont elle parle déjà de la non-violence. Donc il y a tout d'abord dans les Pays-Bas une longue histoire et une grande tradition déjà commençant dans le mouvement ouvrier, notamment le 19e siècle, tournant du 20e siècle, incorporé par Ferdinand de Domela Nieuwenhuis, qui était un des anarchistes antimilitaristes phares des Pays-Bas. Puis il y avait, dans le premier décennie du 19e siècle, une forte réception des écrits politiques de Tolstoï en Pays-Bas. Il y avait aussi une autre femme phare de la gauche hollandaise, Henriette Roland-Holst, qui faisait partie à cette époque-là de cette réception de Tolstoï, qui est devenue plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, une des personnages phares du communisme de gauche. Elle faisait partie, avec Lénine et d'autres, dans la conférence de Zimmerwald pendant la Première Guerre mondiale en Suisse, où ils ont construit une opposition en Première Guerre mondiale, le mouvement ouvrier. Mais après, quand elle a vu le léninisme au pouvoir en Union soviétique, elle a fait marche arrière, et dans les années 30, dès les années 30, elle est revenue à une position tolstoïenne. Elle a fait, par exemple, une initiative pour un comité de soutien de mouvements indépendantistes gandhiennes en Inde contre le colonialisme. Dans ce milieu de réception de Tolstoï, il y avait aussi un autre personnage phare qui était un pasteur protestant qui s'appelle Bart de Ligt, qui était aussi très très important. J'ai son livre phare qui existe que, malheureusement, à ce moment-là, en anglais, The Conquest of Violence. C'est très fondateur aussi, écrit dans les années 30, quand il était déjà sorti de longue date de l'Église, parce qu'à cause de ses convictions de plus en plus anti-institutionnelles, il a eu de plus en plus de problèmes avec l'Église. seulement 1919, il est sorti de l'église et il était expulsé en tant que prêtre, pasteur. À ce milieu-là, Clara Wichmann est venue et a une vite succession des organisations. Ils ont construit, notamment avec Barthélic, des fondations, même avant Gandhi, de l'anarchisme non violent. Et c'était notamment, je vous dis quelques organisations, parce que les noms, ils sont vraiment parfois un peu drôles, mais ça montre bien un peu ces traditions. L'un s'appelle Association des socialistes chrétiennes, des 1916 à 17. Puis en 1919, quand ils sont déjà sortis, Barthélic est sorti, Clara Wichmann est venue d'une maison très rationaliste, elle n'était jamais vraiment dans des cercles religieux, mais elle s'intéressait pour ce groupe-là à cause de son conception du socialisme. En 1919, il y avait une nouvelle organisation de tous les deux, Barthélic et Clara Wichmann, qui s'appelait Association des intellectuels socialistes révolutionnaires. Et ça c'est aussi très drôle, dès avril 1920, Association des anarcho-communistes religieux. Donc, dans toutes ces organisations venaient beaucoup des écrits de Clara Wichmann qu'on a reproduits ici. Et quand je vous avais montré, par exemple, là, on a mis une citation de chacun, de Bakounine. Bakounine, là, d'ailleurs, il y a une citation qu'on se trouve souvent chez Bakounine sur la destruction des choses. Hein, c'est un peu négligé par Bakounine, par exemple. Là, il dit, pour faire une révolution radicale, il faut attaquer les choses et les institutions, la propriété et l'État. Il faut détruire la propriété et l'État. Et si on fait ça, pas la peine de détruire des êtres humains et de se condamner à une réaction qui est dans chaque société le massacre des êtres humains. C'est pour Bakounine aussi. Puis il y a aussi ici une citation qui apparaît dans un texte qu'on a traduit « Antimilitarisme et violence » de Clara Wichmann. Et là je vous lis, donc c'est ça, cette citation-là. Un peu plus volumineux, là je lis. Aucun partisan de la non-violence qui a réfléchi à son principe ne dictera à quelqu'un ce qu'il doit faire. Nous sommes bien loin de faire de la non-violence un nouveau dogme. Elle ne peut être réellement pratiquée que si elle est vécue intérieurement. Soit elle est l'expression d'un mouvement profond et d'un état d'esprit général, soit elle n'est que le bruit d'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Ça c'est Goethe. Il se confirme que l'évolution de l'humanité va dans le sens d'un abandon progressif de la violence et de la coercition. L'évolution de l'humanité, c'est toujours cette perspective de philosophie de l'histoire chez ces écrits-là. Ce qui est vraiment important, c'est que la non-violence soit devenue aujourd'hui pour nous tous un problème, car c'est le signe, pour le moins, que la conscience sociale de nombreuses révolutionnaires est devenue plus sensible. Le reste est secondaire. Cela est valable pour ceux qui écrivent et parlent pour et contre la violence. Oui, pour tous, c'est devenu une question à débattre. Aujourd'hui, pour une majorité des gens, il existe une aspiration à lutter sans violence, tandis que pour les êtres humains des époques antérieures, la violence n'était pas remise en question, c'était une évidence. Donc, ce texte-là, Antimilitarisme et violence, s'est écrit en tant qu'argumentaire contre X, une personne X qui a prôné la contre-violence révolutionnaire. Donc, puis elle poursuit. X appartient également à ceux pour qui l'utilisation de la violence n'est cependant pas une conviction figée. Pour autant, je pense qu'il se trompe sur deux points. Première, quand il dit qu'il est préférable d'exercer la violence face à l'injustice plutôt que de ne rien faire, je pense, moi, qu'il est mieux de vaincre l'injustice d'une manière différente. Deuxièmement, quand il ne voit pas que la violence engendre de nouvelles forces violentes. Donc, il conclut, il, X, néglige le fait qu'il existe un autre combat que celui des armes. Et dans d'autres textes, elle précise ce que c'est en réalité. Là, je cite du dernier texte qu'on a traduit, les fondements philosophiques du socialisme. Ça, c'est un texte qui était paru posthume. C'était un de ses, beaucoup des fragments qu'elle a écrit là-dessus. Et c'est Joe Meyer, déjà encore dans les années 20, qui l'a publié. Et là, je veux vous lire les derniers extraits. Peut-être pour un peu mieux comprendre cette tolérance qu'elle éprouve dans ces milieux où elle milite pour une conception religieuse, où elle mélange des traditions de l'anarchisme daté avec des conceptions religieuses, c'est toujours en opposition de cléricalisme. Là, je lis. Il y a les anarchistes pour qui se séparer de l'autorité exige en tout premier lieu de se séparer de l'autorité de l'Église, ni Dieu ni maître. Car il existe depuis toujours un lien entre la religion officielle et le pouvoir. Premièrement, parce que la religion fait une distinction entre le clerc et les laïcs. Deuxièmement, parce que la religion a rendu possible le fait d'entourer tout pouvoir d'une aura divine. Troisièmement, parce que toute lutte contre le pouvoir est marquée du sceau de péché. Quatrièmement, parce que la religion a rendu possible de nombreux mensonges. Les anarchistes répètent inlassablement qu'ils ne reconnaissent aucune sortie d'autorité sur terre ni au ciel. Mais il y a cependant des anarchistes qui fondent leur conception sur une conscience de l'unité cosmique, dont Tolstoï, Eugen Heinrich Schmidt. Eugen Heinrich Schmidt, c'est un tolstoïen d'origine hongroise. Elle s'appuie beaucoup là-dessus, sur Eugen Heinrich Schmidt. Car c'est lui qui reconnaît le divin dans chaque être vivant, ne peut pas supporter qu'il soit offensé ou rabassé. Nous n'avons plus affaire ici d'une attitude religieuse qui vise le salut individuel ou tout simplement la quiétude intérieure. Il s'agit au contraire d'une spiritualité qui se déploie à l'échelle cosmique de l'unité universelle et comprenant l'activité morale. En ce sens, la vie religieuse se révèle alors comme force révolutionnaire. Donc, une compréhension comme ça. Si tu veux. Puis je vais vous montrer deux petits trucs sur des personnages dont elle s'appuie parfois sur son pensée. Un, c'est Eugen Heinrich Schmidt, dont j'ai parlé déjà, et notamment son conception de la critique de l'État. Elle dit, dans ce contexte, Eugen Heinrich Schmidt a engagé une réflexion importante lorsqu'il donne à méditer le point suivant. Toute l'idée de la politique partirait du fait que les dominants seraient les bons et les dominés les mauvais. En fait, poursuit Eugen Heinrich Schmidt, ceux qui accèdent au pouvoir sont par essence des plus brutaux et des grossiers. L'humanité, dit Schmidt, est meilleure dans son ensemble que ceux qui la guident. Celui qui a pris le pouvoir par la violence, celui-là, a été nécessairement plus violent et plus brutal, plus rapace que les autres. Citation de Schmitt, « La lie de l'humanité est l'écume qui flotte au-dessus de l'histoire. Le comportement de cette lie de l'humanité a été glorifié par l'éducation et sa morale et a été imposé au peuple, dit encore Schmitt. L'État n'est plus alors une protection contre le crime, mais une forme d'expression de la criminalité et de la violence. On sait que Tolstoï a écrit des choses qui vont dans le même sens. Donc c'est l'inverse de ce que propageait l'État en tant que justification pour eux, la protection du peuple, et elle dit c'est même le contraire, c'est l'expression de l'État et l'expression de la criminalité et de la violence. Et peut-être une dernière partie, ou une avant-dernière, si vous voulez. peut-être vous connaissez un autre personnage, elle regarde très bien aussi la situation en France, le mouvement ouvrier en France, et là, je vais vous montrer justement deux traditions dont elle s'appuie aussi pour son conception de socialisme. L'un, c'est Jean-Marie Guyot. Mmh. L'histoire a d'abord été une histoire des princes, puis une histoire des peuples, et elle devient une histoire des personnes. Ainsi, pour l'anarchisme, chacun a un valeur, et c'est pourquoi chacun a besoin de tous. La véritable morale doit être indépendante. Elle peut être teintée d'égoïsme, comme chez Stirner. Elle peut être pleine de générosité, comme chez Guyot. Il n'y a pas contradiction entre l'altruisme et l'égoïsme. La contrainte et les devoirs extérieurs appartiennent à une époque barbare. C'est toujours encore cette perspective de l'histoire. Plus l'être humain se développe, plus des forces intérieures remplacent des forces extérieures. Comme le dit Guyot, toute immoralité est un manque qu'il ne faut pas se cacher, mais qui doit être complété et enrichi. La solidarité est le fondement de la société humaine. Elle est déjà profondément enracinée dans la nature. Aucun groupe, aucun tribu n'aurait pu se développer sans solidarité. Et les dernières phrases, encore une autre tradition de la France dont elle s'appuie. À cet égard, l'anarchisme a un rôle important à jouer avant, tout à travers son influence sur le syndicalisme révolutionnaire qui est né vers 1895 en France. Ce syndicalisme met en avant l'action directe des travailleurs eux-mêmes au lieu de l'action parlementaire. Alors que le mouvement syndical soi-disant moderne, sous la direction politique des sociodémocrates, luttait pour une amélioration dans le cadre de la société existante, le mouvement syndical indépendant s'écarta de tout parlementarisme et combattit pour des améliorations immédiates avec en même temps la volonté révolutionnaire de transformer la société. Cela s'est exprimé essentiellement dans l'idée de la grève générale. Donc ça, ce sont un peu les traditions de grève générale et aussi d'autre côté d'objection de conscience. Sur quoi elle construit un anarchisme non violent. Oui, bon, j'arrête ici avec Clara Wichmann et je suis heureux qu'on a au moins vous donné avec ces textes un premier boucher, j'espère que ce n'est pas le dernier, de ces écrits-là parce qu'ils sont très fondateur pour en penser anarchisme non violent, elle ramasse beaucoup des traditions, le mouvement ouvrier du pensée philosophique là-dessus. Elle s'appuie aussi sur d'autres, par exemple, traditions de langue allemande qui sont un peu contemporaines pour elle. C'est pas encore traduit, même quand il existe en Internet, il existe 3 ou 4 articles de lui en langue française, mais une fois j'ai un peu le projet de faire un petit recueil aussi des articles de Pierre Ramu. Pierre Ramu, c'est un anarchiste phare de l'anarchisme non violent, à la même époque, à Vienne, en Autriche. Il y a 3 ou 4 textes en Internet, vous trouvez dans la presse anarchiste, il y a des brochures. Il y a des brochures. Oui, parce qu'il a fui les nazis aussi. Là, il était un certain temps. Il était d'ailleurs. Il est décédé quand il a essayé de traverser l'océan d'ailleurs. Donc sur lui, c'est aussi Clara Wichmann qui s'appuie. Et sur l'autre que je vais vous parler maintenant, c'est aussi un personnage phare de l'anarchisme non-violent de pays germanophone, c'est Gustav Landauer. Bon, pour Gustav Landauer, il n'y a pas un nouveau livre avec des traductions, mais il y en a déjà des livres, par exemple ici, déjà traduits par notre ami Arthur. La Révolution, c'est un des livres phares de Gustav Landauer, de 1907. Il y a même une nouvelle édition, ça c'était, je pense, années 80 ou 90 déjà. C'est après 74. Ouais. Et ça c'est 2006, sur l'hiver. La Révolution, ça c'est pour lui la découverte, et ça c'est aussi très intéressant, la découverte de schémas triangulaires de domination développés par Étienne de la Boissie dans Contre Une, dans le 16e siècle, je pense, déjà. Et c'était, il y avait une réception de ce modèle de Boissie, où on dit toujours que c'est le modèle aussi de la domination et aussi de la révolution non-violente, parce que Boissy dit que toute domination dépend de le soutien volontaire des dominés. Et quand on retire le soutien volontaire des dominés, toute la structure de domination s'effondre. Et cette conception à la fois de c'est ce qui est la domination et c'est ce qui est la révolution non-violente est reprise par Tolstoï. C'est dans l'écriture de Tolstoï, Dieu est parmi chacun de nous. C'est un peu cette conception cosmique qui a déjà développé à travers les écrits de Tolstoï, Clara Wichmann. Et là, Landauer lit Tolstoï et il reprit de Tolstoï ce modèle de Boissy. Donc, à travers Tolstoï, c'est arrivé chez Landauer et c'est l'essentiel de la révolution, de prendre ce modèle de Tolstoï et de l'adapter à sa situation de mouvement ouvrier en Allemagne. Ça, c'est un de ses œuvres phares. Mais il a écrit beaucoup et j'ai mis un peu Landauer sous les trois personnages à vous présenter aujourd'hui parce que, notamment, il y a une très nouvelle biographie en deux tomes, à peu près 1000 pages en allemand, où vous avez pratiquement, pas chaque seconde, mais chaque jour de vie de Landauer, c'est une des biographies anarchistes les plus étendues qui existent depuis longtemps. Et là, vous avez aussi, ça ce sont trois tomes des écrits de Landauer, une nouvelle édition, il y a 10 tomes qui sont déjà parus. Donc là, vous voyez l'immensité de ses écrits et sur aussi beaucoup des domaines. Là, c'est philosophie et judaïsme, antipolitique, nation, guerre et révolution. Beaucoup des choses, il a écrit sur la littérature. Il a fait aussi des romans et des choses comme ça, je vais un peu en parler. Mais tout d'abord sur le personnage de Landauer. Il est né en 1870 et mort à la fin de la République des Conseils en Bavière, sauvagement abattu par des réactionnaires en mai 1919. Sous l'ordre des sociaux-démocrates. Oui, mais là, c'était des libres corps, des corps libres, des réactions, un service de gouvernement Hoffmann qui était un gouvernement social-démocrate en Bavière à l'époque. Tout d'abord, Landauer, il était lui-même, dans les années 80 du 19e siècle, social-démocrate. Et il se séparait de plus en plus, comme beaucoup, dans un mouvement des jeunes, on s'appelait des jeunes sociaux-démocrates. Il se mit toujours plus à gauche. C'est un développement, on peut un peu comparer avec Johann Voss à l'époque, hein, plutôt social-révolutionnaire. Et peu à peu, dans un journal qu'il rédige dès 1891 jusqu'à 1899, qui s'appelle Le Socialiste, dans ce temps-là, il fait des liens avec les anarchistes de son époque et il devient d'une, comment dire, jeune social-démocrate. C'est ce qu'ils disent indépendance social-démocrate, et puis déjà dans le journal socialiste, il se mélange avec les anarchistes. Mais ça, c'est peut-être un peu étonnant à l'époque, dans l'anarchisme, qu'est-ce qui est le courant dominateur? C'est le propagande à l'envers. Et Landauer, quand il découvre l'anarchisme, il est tout d'abord fan de Ravachol. Et avec Ravachol, quand il a, par exemple, tué, vous savez cette histoire, je n'ai pas la peine de vous... quand il a tué cet érémite à Paris, Landauer loue cette action-là et dit il a bien fait de tuer cet érémite, inutile. Il a dit même, pourquoi pas tuer cette vermine? Donc là, c'est le Landauer qui commence de découvrir l'anarchisme en tant que qui soutient le propagande par le fait. Et ça va, au fur et à mesure des années 1890. Il y a un premier tournant dans les débats qu'il mène dans le mouvement anarchiste en Allemagne. Il vient d'ailleurs, il est né à Karlsruhe en Allemagne du Sud, et puis il fait ses études à Heidelberg, et puis il va très vite à Berlin. Il est à Berlin. Et en 1895, il fait un tournant sur le contenu de ce qu'il comprend sur l'anarchisme. C'est un tournant proudhonien. Il prône les coopératives de production et de consommation. Et là, il y a beaucoup de bagarres avec les courants anarcho-communistes à l'époque et d'autres courants, d'autres journaux. Et de plus en plus, avec ce tournant vers les coopératives, il se sépare de la propagande par le fait. Et c'est la première fois, en 1898, à l'occasion du meurtre de Luigi Lucchini, empereuse autrichienne, qui critique ouvertement les attentats contre l'aristocratie et des choses comme ça à l'époque. Et il dit à ce moment-là, je ne suis ni fêteur des attentats, ou quelqu'un qui commet des attentats, ni social-démocrate. En 1900, il a fait une première expérimentation dans une communauté agraire auprès de Berlin, qui s'appelle Nouvelle Communauté, où il trouve des amis phares qui vont l'accompagner tout le reste de sa vie. C'est d'un côté Martin Buber, le philosophe juif, puis Erich Mühsam. Donc il se retrouve dans cette communauté auprès de Berlin. Ça reste pas très très longtemps, Landauer il reste demi-année, et puis il va en Angleterre pour 2 années. Il trouve Kropotkin à Londres, aussi sa compagne Hedwig Lachmann, qui était une poète qui fait des traductions, c'est très intéressant, aussi des traductions des poèmes, qui fait une redéfinition de ces poèmes. Donc ce ne sont pas des traductions littérales, ce sont des traductions du sens, qui gardent du sens de poésie. Et là, il dit par exemple... il écrit ses premiers textes phares de l'anarchisme non-violent. Le plus important, c'est déjà traduit dans ce recueil-là, que je trouve très bien, d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des bons textes de Landau qui sont traduits, des articles surtout, mais des articles très importants. Et là, je vais vous citer 1901, quand il est encore à Londres, le petit paragraphe de « Pensée anarchiste sur l'anarchisme ». Et là, vous voyez déjà le changement complet de Landau. Les anarchistes doivent comprendre qu'une fin ne se laisse attendre que lorsque le moyen est déjà peint aux couleurs de cette fin. On n'atteint pas la non-violence par la violence. L'anarchie se trouve là où les anarchistes sont réellement anarchistes, des hommes qui n'exercent plus aucune violence. Donc ça, c'est déjà un texte phare qu'on cite chez nous assez souvent, de 1901. Et là, le titre de ce recueil-là, « La communauté par le retrait », c'est un texte qu'il a écrit à cette nouvelle communauté à Berlin, juste avant qu'il est allé pour 2 années en Angleterre. Et ça, c'est aussi déjà un concept qui est toujours lié à ce proudhonisme, à ce tournant vers les coopératives. Et plutôt, il a une philosophie que la société dominante agace un individu. Donc l'individu se sépare de cette communauté et se retrouve dans une isolation nécessaire. Parce que tout d'abord, il est une minorité, un individu isolé qui est agacé par cette société dominante. Et quand cet individu, et ça c'est le retrait, la communauté par le retrait, quand il est séparé de la société dominante, il a une nouvelle vue et il regarde et il découvre d'autres individus qui se sont aussi mis à retraite de la société dominante. Et avec eux, il renoue des contacts. Et ça, c'est la nouvelle communauté qui n'est que possible que par ce mouvement de retraite. Donc, ce mouvement de retraite de la société dominante est une précondition pour retrouver cette nouvelle communauté. Et là, il change même sa perspective de coopérative et il prône après ces textes-là la colonisation intérieure dans le pays. Il prône des communautés agraires. Et ça, c'est une organisation qu'il fonde au début des années 1900. Ça s'appelait cette organisation la Fédération Socialiste. Et avec la Fédération Socialiste, il y a aussi, une nouvelle fois, il fait renaître le journal Le Socialiste, qui existe une troisième fois, de 1909 jusqu'à la Première Guerre mondiale, 1915. Et il veut rassembler avec cette organisation-là des communautés. Tout d'abord, il y a un vrai plan, il y a 30 thèses sur l'aboutissement des communautés à créer. Il veut rassembler tout d'abord un certain nombre, donc ils ne vont pas tout de suite créer une nouvelle communauté sur une terre, mais il veut rassembler tout d'abord un certain nombre, et quand ce nombre est atteint, tout à coup, avec un grand nombre, fait une colonisation à l'intérieur d'un pays, et ça veut dire avec ça aussi de créer ces communautés. Et il dit, par exemple, dans une lettre à Max Nettlo, l'historien de l'anarchisme, comment il conçoit maintenant la révolution. Il dit, il y a un mouvement de masse, qui est peut-être un mouvement révolutionnaire, qui fait une grève générale, mais ce mouvement de masse et grève générale, ce n'est pas le vrai nucléus de la nouvelle société. Le vrai nucléus de la nouvelle société, ce sont ces communautés de l'intérieur. Et eux, ils se multiplient, mais à un certain moment donné, ils se heurtent sur la société dominante. Donc la société dominante va les supprimer. Et là, il dit que les mouvements de masse et la grève générale, ce n'est pas une révolution qui mène à l'anarchie, mais elle remplit une tâche de prévenir ou de empêcher l'État de faire cet obstacle à l'agrandissement de ces communautés à un certain moment. Et ça, c'est son conception de révolution. Donc, le grève générale et le mouvement ouvrier n'est pas en soi le porteur de la révolution, mais il, avec leurs actions de grève générale, ils empêchent l'État de faire barrage à l'agrandissement de ces communautés. Malheureusement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y avait que pas un seul pratique de ces communautés dans le sens de Landauer, mais il y a quand même, c'est son héritage phare, les communautés de l'intérieur, à deux reprises, parce que dans la grande vague anti-militariste après la défaite, c'est pour ça que j'ai écrit dans l'invitation « Vive la défaite militaire », après la Première Guerre mondiale, c'était une vraie situation révolutionnaire et un grand esprit de masse antimilitariste dont le mouvement naissant l'anarchisme violent ne fait qu'une partie naissante, grandissante. Et dans ce parti-là, après la Première Guerre mondiale et aussi après la mort de Landauer, marge du mouvement anarcho-syndicaliste, au début des années 20, il y avait des tentatives de faire des communautés dans le sens et l'esprit de Landauer. Donc après sa mort, il y avait vraiment des communautés qui ont créé en campagne des communautés comme ça. Et il y a un deuxième héritage de cette fédération socialiste qui veut créer des communautés à l'intérieur, c'est déjà quand Landauer est à Munich en fin 1918, début 1919, il y a une rencontre internationale avec son ami Martin Buber, des juifs internationaux et aussi des de mouvement des kibbutzim qui vont être créés tout d'abord sans relation étatique en Palestine. Et il y a des rencontres de Landauer, Musan, Buber avec des futurs colons juifs qui s'apprêtent à aller à Palestine pour créer des communautés de l'intérieur, mais malheureusement dans le concept de Landauer, c'est vraiment à l'intérieur du pays de l'Allemagne. Et là, on peut bien discuter si c'était vraiment une communauté de l'intérieur ou c'est pas une communauté de l'extérieur. En tout cas, les communautés qui sont été créées en Palestine avec l'esprit de suite de Landauer, de Buberien, ils ont eu toujours la tâche de faire des bonnes relations, des échanges mutuels avec l'extérieur et les villages palestiniens. Et quand il y a, par exemple, en 1936, une révolte des Palestiniens contre les kibbutzim, c'est expressivement et précisément les communautés buberiennes avec l'héritage de Landauer, qui sont été exclus, qui sont été pas attaqués. Donc, on va encore un peu cet esprit de faire une conscience équilibre d'où on va avec ces communautés. Et puis, il y a un tournant de vie très décisif dans la vie de Landauer, parce que, bon, il faut aussi un peu dire les côtés négatifs de Landauer. Il était, comme vous l'avez dit, il était très éduqué, il a écrit sur beaucoup de choses, mais il est aussi très dogmatique, on peut dire, et il s'engage dans beaucoup de bagarres de petitesse avec d'autres courants, personnages dans l'anarchisme contemporain. Et avec ça, il y a, avec son concept-là aussi, un certain isolement, notamment jusqu'au Première Guerre mondiale, jusqu'à la Révolution en Bavière. Il s'isole de plus en plus, et son fédération socialiste, comme j'avais dit, n'arrive pas même à faire une première communauté en pratique. Alors qu'en Landauer, il prône toujours, nous on va commencer, on ne va pas attendre la révolution, nous on fait la pratique, mais son courant n'arrive pas vraiment de faire une pratique même. Mais puis il y a deux événements phares, Hedwig Lachmann, sa deuxième épouse, qui l'a épousé peut-être aussi au feu. Épousé la première et la fille de Dieu. Elle meurt en Allemagne du Sud en 1916, et ça c'est un grand chagrin pour lui. D'ailleurs, il y a aussi une histoire, quand j'ai parlé du dogmatisme, c'est aussi, par exemple, Landauer, il la trompe avec une anarchiste suisse qui est très importante, c'est Margarete Faas-Hardegger, qui est aussi très, très intéressante, une syndicaliste suisse, la première femme qui a présidé les syndicats en Suisse. Aussi un anarchiste non-violent qui s'organise des fédérations socialistes en Suisse. Et là, il a une relation secrète avec Margarete Faas-Hardegger. Et il est complètement pas du tout d'accord avec la propagande de Margarete Hardegger, parce que ça, c'était une propagande féministe pour le droit des mères, par exemple. Tandis que Landauer prône toujours la famille. Pour Landauer, la famille entre hommes et femmes, donc très hétérosexuelle, père et mère, c'est pour lui la plus petite forme de fédération qu'on peut penser. Et il tient très très fortement sur ça, et ça, il se livre des débats agaçant un peu, avec par exemple Erich Mühsam. Erich Mühsam, il est homosexuel, donc il est un peu gêné quand Landauer prône cette vie en couple hétérosexuel, et se dit parfois même négatif sur l'homosexualité, et rejette aussi le droit des mères qui est prôné par Margarete Faas-Hardegger. Donc, il est très très triste et dans une crise quand Hedwig Lachmann meurt en 1917. Et puis il y a la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la Révolution russe et notamment la chute du roi bavarois en novembre 17. Donc, il faut savoir que ce n'était pas seulement l'empereur à Berlin. Il y a une structure où il y a un certain pouvoir dans la Bavière qui était encore un roi. Et le roi, il est chuté d'une manière non violente. Vous connaissez peut-être la grande prix chaque octobre, chaque année à Munich, où il y a la grande fête, la fête d'octobre. Là, à l'époque, en novembre 17, il y avait une foule d'une 20 000 personnes, Et ils ont dit, surtout d'ailleurs aussi des femmes, parce qu'il y avait aussi des hommes dans la guerre, et ils sont décidés de faire un tour, un cortège, qui passe à toutes les casernes des soldats. Et quand ils sont arrivés à des casernes, quand il y a encore des soldats qui ne sont pas dans les fronts, alors ils ont crié « Suivez-nous, suivez-nous !» Et ils sont sortis de leur caserne, et tout en rond, et après ils ont fait le tour, il n'y avait plus de pouvoir pour le roi. Et le roi se fuyait vers les Pays-Bas, le roi Bavière. Et avec ça, il y a un mouvement qui se sont installés avec la défaite de l'armée allemande aussi, des conseils, des ouvriers, des paysans et des soldats. Et à ce moment-là, c'est Kurt Eisner, qui est un social-démocrate de gauche, ou c'est ce qui se développait à ce moment-là, une partie qui s'appelait USP, social-démocrate indépendant, qui a une connaissance de Landauer et qui fait lui faire venir à Munich pour soutenir ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, c'est faire une mélange entre des conseils qui se sont constitués dans les usines par les ouvriers, des soldats et des paysans. Il y avait un grand mouvement dans toute la Bavière. D'ailleurs, moi, je suis né en Bavière, dans un petit village, à peu près 90 km loin de Munich, de 500 habitants. Et j'ai vu dans une grande étude sur les conseils en Bavière que même dans mon petit village, il y avait un petit conseil qui a décrété que toutes les terres qui sont plus que 100 hectares vont être distribuées. Au moins, on a connaissance parce qu'ils ont envoyé cette décision à Munich pendant la République des Conseils. Et là, on a fait au moins une connaissance de cette décision. Si c'était vraiment pratiqué, je ne sais pas. Mais même dans mon petit village, il y avait un conseil à cette époque-là. Donc c'était très très répandu. Et quand je vais parler la dernière fois de Fritz Hörter était à Fürth. Fürth, c'est le village jumelle de Nuremberg, à 100 km au nord de Munich. C'est pareil, il y avait une république des conseils à Fürth aussi. Malheureusement, seulement 5 jours à Bavière, c'était au moins un mois. En avril 1919. Et là, Landauer, Eisner voulait faire un mélange, une coopération entre les conseils et un système parlementaire. Et il a invité Landauer de le soutenir. Mais Landauer voulait, et Musam et ses amis anarchistes, ils ont créé un conseil révolutionnaire des ouvriers, ça c'était le nom. En fait, il n'y avait pas beaucoup des ouvriers dedans, plutôt des anarchistes, des intellectuels, des artistes, une cinquantaine. Mais parce qu'il n'y avait plus un vrai pouvoir, donc ils sont été un peu le groupe qui pourrait vraiment agir. Et là, après une grève qui était vraiment, qui a eu lieu à Augsbourg, une ville à l'ouest, quelques kilomètres à l'ouest de Munich, en fin de mois de mars, ils ont décrété une république des conseils en Bavière le 5 avril ou le 7 avril 1919. Tout d'abord, les anarchistes avec les sociodémocrates indépendants. D'ailleurs, il y avait seulement quelques semaines auparavant, il y avait des élections générales pour, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, des régionales, pour le Land de Bavière. Et là, la partie des sociodémocrates indépendants, ils sont allés très très faibles. Que 3% ont été élus pour la partie de Eisner. Et Eisner était déjà allé au Parlement pour dissoluer, parce qu'ils reconnaissent sa défaite, pour dissoluer le Parlement. Et quand il est y allé le matin, il était abattu par un aristocrate. Donc, la session de dissolution n'a pas eu lieu. Et au lieu de ça, dans les obsèques de Eisner, il y avait une foule de 100 000 personnes qui a soutenu, et Landauer a fait le discours à la mort d'Eisner, et le Parlement restait dissolu. Et ce sont été les conseils qui sont été le seul pouvoir sur place. Et à ce moment-là, ils ont décrété un conseil de Bavière. Et c'était qu'une semaine où les social-démocrates, ils ont fouillé Munich, ils ont créé un nouvel gouvernement avec le soutien des social-démocrates en pouvoir à Berlin, de Noske, qui a déjà abattu les ouvriers à Berlin, qui s'appelle le gouvernement social-démocrate Hoffmann. Et c'était à Bamberg. Et là, il a rassemblé les troupes pour faire la guerre au conseil à Munich. Et tout d'abord, la première semaine, le conseil Bavière anarchiste, il n'y avait pas le soutien de parti communiste. Le parti communiste était nouveau-né seulement quelques mois auparavant, à la fin de 1918. Il y avait un militant très ami avec Musam et Landauer, Léviné, mais qui a dit que cette république de conseil est prématurée. Donc nous, les communistes, on ne soutient pas. Mais puis après, il y avait déjà une première tentative de putsch de ce gouvernement de Bamberg. Seulement une semaine après l'établissement de ce République du Conseil anarchiste. D'ailleurs, dans la République du Conseil anarchiste, Landauer était délégué pour l'enseignement, ça veut dire pour les universités, les écoles, le système des presses. Donc, il voulait aller à... c'est toujours très drôle, mais je ne peux pas raconter tout. Il était allé à l'université, il voulait organiser l'autogestion de l'université, et les profs et les étudiants, ils ont été réactionnaires, ils l'ont viré, et puis il a fermé l'université. Il a fait un décret de conseil, l'université est fermée, on va construire un nouveau. Même chose avec la presse, il voulait... au moins arrêter les publications capitalistes dans la presse. Et les journaux, ils ont dit non, mais qu'est-ce que tu veux là? Et puis il a décrété, les journaux bourgeois, ils sont fermés. Donc on va construire un nouvel journal, et là, un quotidien, la Münchner Neueste Nachrichten, a été établi avec une nouvelle rédaction, et ils ont fait une presse pour une semaine. Ce sont un peu les actes pas suffisants de cette semaine des conseils en Bavière. Il y avait aussi une censure, ils sont appelés, et par ailleurs, une censure de ne pas pouvoir sur la presse faire la haine contre les conseillistes. Parce qu'il y avait dans la presse bourgeoise une grande campagne de haine et aussi des mensonges contre les D'ailleurs, à côté de Musam et Landauer, il y avait aussi un personnage très très important, Red Mahout, dans cette comité de presse, qui est devenu Vétraven, le grand romancier qui a fait la fuite sur Mexique, qui est devenu le grand romancier de la révolution mexicaine. Bon, pour arrêter là, il y a... Il sortait un journal antimilitariste à l'époque. Quoi? Il sortait un journal antimilitariste. Oui, le fondeur de Brick. Qui? Tu parles de qui? Traven, ouais. Oui. Red Mahout. Oui. Red Mahout, il était antimilitariste là, mais en tant que Vétraven, il n'était plus. Mais, il y a une longue histoire, par exemple, là, Landauer, dans la République de Bavière, il a aussi soutenu de prendre des otages des otages, des aristocrates. Il y avait une douzaine qui sont pris en otage réellement. Mais Landauer ne voulait pas les tuer, ça c'était clair pour lui, il ne voulait pas les tuer. Donc il a dit, je ne sors pas de mon conviction de ne pas vouloir faire une révolution sanglante. Mais à la fin de la République des Conseils, les communistes qui ont pris le pouvoir après la tentative de putsch de Bamberg, après une semaine, les communistes ont dit « Ok, maintenant la République des Conseils est menacée à mort, nous on prend les rênes. » Et maintenant, Landauer, par exemple, ne faisait plus partie de deuxième partie de trois semaines de règne de République des Conseils des communistes. Et à la fin, quand l'armée des sociodémocrates, l'armée officielle, voulait envahir Munich, les communistes, ils ont vraiment tué les otages. Donc ça, c'était un des raisons, parce que c'était un des derniers actes de la République des Conseils de tuer les otages, un des raisons pourquoi la répression, bon, c'était devenu peut-être quand même farouche, mais c'était spécialement farouche, et dans cette répression-là, Landauer, qui s'est mis à l'écart, qui a à nouveau étudié, fait de littérature et des choses comme ça, il était capturé, interpellé et abattu. Bon, c'est une longue histoire sur Landauer, mais bon, il a été très très important, mais je pense que aussi que il y avait un certain isolement dans son phase avec la Fédération socialiste, et le fait qu'il s'est jeté, on peut dire, même avec ses convictions, dans les faits réels de la révolution, qu'il ne s'est pas resté à côté des événements, ça a aussi ajouté à sa notoriété. Et même les courants anarcho-syndicalistes, les courants anarcho-communistes avec leurs organisations, qui l'ont combattu, ses convictions, quand il était encore vivant, l'ont honoré après qu'il était mort en tant qu'un de leurs. Et ils n'ont pas vraiment prôné, mais soutenu quand, au marge de leurs organisations, il y avait des tentatives de faire des communautés et de fonder un peu des communautés à l'intérieur. Bon, je reste un peu dans ce courant-là avec Fritz Oerter. Il est où là, le Fritz Oerter? Il est là, le Fritz, c'est là. Alors, je l'ai. Là, c'est un peu le début de ces tentatives de traduction. C'est un texte phare de Fritz Oerter de 1919 qu'on a traduit, et ce qui s'appelle « Violence ou non-violence ». Donc, c'est déjà clair de quoi il s'agit. Et je vais vous montrer, par exemple, ça aussi, ça c'est ce numéro de l'affirmation avec des textes fondateurs. J'ouvre la page 3, et là, vous avez ce texte-là, Fritz Oerter, « Violence ou non-violence ». Donc, ça, ce sont des textes fondateurs que nous avons mis en avant pour revendiquer nos positions, que j'ai essayé un peu de faire traduire. Donc, qui était tout d'abord, qui était Fritz Oerter? Il y a aussi un recueil de ses articles qui est paru récemment en langue allemande. Et Fritz Oerter, il était né en 1869 et il est mort en 1935. D'ailleurs, tué par les nazis, ça veut dire qu'il était interpellé pour une semaine. Là, on ne sait pas exactement, mais il est sorti après cette semaine dans la police, très affaibli, blessé, donc on suppose qu'il était torturé, et il est décédé dans un hôpital après sa libération. Il a un peu... Il n'est pas vraiment souvent sorti de sa ville natale, Fürth. C'est une ville un peu plus parce que Nuremberg, ville jumelle de Nuremberg. Et il a un peu un itinéraire semblant de Landauer. Il était aussi tout d'abord fait partie des jeunes social-démocrates et unabhängigen, et qui a dans les années 90 du 19e siècle, sorti de milieu social-démocrate et devenu anarchiste. Et il a aussi soutenu notamment Rudolf Rocker. Il était très ami avec Rudolf Rocker. On a déjà eu une conférence ici sur Rudolf Rocker, ça c'est un peu connu. Et à la suite de la défaite des armées allemandes, Rudolf Rocker a fait un discours en mars 1919 à Erfurt devant une usine des travailleurs d'armement. Et là, Rudolf Rocker a repris un slogan qui est venu de Bertha von Suttner. Bertha von Suttner, elle était aristocrate pacifiste, donc c'était le slogan de pacifisme bourgeois, citoyenne, qui s'appelait « Abat les armes ». Mais « Abat les armes », on ne sait pas comment. Et Rudolf Rocker, dans son discours devant les ouvriers de l'armement, il a dit « Abat les armes, abat les marteaux ». Et ça veut dire que c'est le complément du prolétariat à ce slogan antimilitariste. Et là, par exemple, j'ai trouvé, ça je trouve très intéressant, parce que ça c'est une histoire qui s'appuyait sur Alice Delou, il y a l'histoire de Marseille, ça c'est l'histoire de Marseille. J'accompagne parfois des groupes syndicalistes et je le montrais un peu Marseille, donc je lis beaucoup sur l'histoire de Marseille. Et là, c'est très intéressant, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, il y avait des ouvriers dans le port, les dockers de Marseille, qui ont bloqué des navires avec des armes qui doivent être envoyés à Vietnam pour récupérer à l'époque en Chine, qui doivent récupérer les colonies de l'Indochine. Et là, il y avait un grand grève, et pas seulement grève, mais aussi des slogans pour ne pas soutenir le chargement de ces navires-là. Et il y avait, par exemple, un grand discours dans le cinéma Saint-Lazare, et il y avait la parole de ce grève, « Pas un sou, pas un homme, pas un train, pas un coup de marteau pour la guerre à Vietnam. » Et ça, c'est intéressant que chacun, quand un mouvement ouvrier veut détruire immédiatement l'armement, il y a ce slogan « Abat les marteaux ». Et ça c'est parce que eux, les ouvriers, les dockers à Marseille, ils n'ont pas de connaissance de ça, mais c'est ressurgi le même slogan à la fin de Première Guerre mondiale dans les ouvriers des usines d'armement. Et ça, c'était prôné par Rocker. Même Rocker n'était pas complètement non-violente par rapport à Fritz Oerter. Fritz Oerter faisait partie de cet courant d'anarchisme non-violente au sein de ce mouvement vaste, de cette vague vaste antimilitariste. Et là, Oerter était à côté de Rocker, et ça, c'est vraiment la stratégie aussi de l'anarchisme non violent. On dit « abat les armes, abat les marteaux » au lieu de, ça c'est l'autre slogan, et ça c'est la différence, pas des buts, mais de stratégie, c'est à l'encontre de la stratégie qu'on connaît, qu'on a ici habituellement, le peuple en armes. Donc quand on détruise, quand les ouvriers sont appelés à détruire les armes, on ne peut pas avoir un peuple en armes. Et ça, c'est une différence stratégique qui a toujours eu au centre de débat entre les anarchistes non violents et les anarchistes pendant la violence révolutionnaire. Et là, il y avait, et c'est ce qui est vécu, heurteur, c'est pour ça que ces écrits sont tellement importants, à l'encontre de Landauer, Landauer était déjà mort, où il y avait l'événement phare du mouvement ouvrier d'après-guerre, Première Guerre mondiale en Allemagne, c'était la grève générale contre le putsch de Cap, mars 1920. En 1920, il y avait une tentative, et déjà des fascistes, des corps libres, ça veut dire des soldats qui sont revenus, mais qui sont restés réactionnés. Et d'autres, il y avait un gouvernement social-démocrate, et les syndicats centralistes dépendants de social-démocratie ne voulaient pas faire la grève générale quand il y avait un putsch de ces corps libres avec le général qui s'appelait Cap Lüttwitz, qui sont des généraux de Première Guerre mondiale, qui voulaient reprendre le pouvoir. Et ce sont été les petits syndicats radicaux, anarcho-syndicalistes, la FAUD, l'Union libre des ouvriers allemands, qui était l'organisation anarcho-syndicaliste d'après-guerre, à ce moment-là très fort, 150 000 militants. Et aussi, il y avait une forte, à peu près la même hauteur, une forte syndicat. La AAUD qui était communiste gauche. Et eux, ensemble, ils ont déclenché une grève générale et ils ont mis une telle pression sur les grands syndicats centralistes, social-démocrates, que finalement, ils ont tiré les syndicats social-démocrates aussi à faire la grève générale. Donc c'était un grève général complet. Et après 5 jours à Berlin et dans tout le territoire de l'Allemagne, ce putsch militaire a échoué. Ils se sont retirés, ils ont déjà fait la saisie de tous les bâtiments à Berlin, les militaires ils sont été dedans. Donc ils sont sortis, ils se sont retirés, sans qu'il y avait une lutte armée, sans qu'il y avait des grandes râles qui se sont tirées, des choses comme ça. Et puis il y avait, à ce moment-là, c'était début mars 1920, un débat au sein des syndicats de communisme de gauche et des syndicats des anarcho-syndicalistes, est-ce que c'est le moment de révolution à faire avec les armes, ou est-ce que ce n'est pas le moment et est-ce qu'il faut encore faire un agrandissement de base et la révolution vient après. Et là, il y avait une décision, une naissance de l'armée rouge de Ruhr. C'est dans la région de Ruhr où les ouvriers, et à la fois les ouvriers du communisme de gauche, les ouvriers aussi naissantes de KPD, la partie communiste officielle. Donc il y avait, parce que c'était, comme j'avais dit, dans la République des conseils ouvrières, il y avait la fin 1918 seulement, il y avait la naissance de parti communiste, léniniste en Allemagne. Il y avait la partie des gauchistes de gauche, où Lénine a écrit son... Le communisme de gauche, c'est la maladie des enfants. De la maladie infantile. La maladie infantile du communisme. Donc, le gauchisme, maladie infantile. Il y avait trois grands courants du mouvement ouvrier. Et tous les trois, ils ont déclenché une lutte armée dans la région de Ruhr. Mais il y avait un débat parmi, par exemple, les anarcho-syndicalistes, s'il faut faire la lutte armée dans tout le territoire. Et là, par exemple, il y avait une grande organisation à Berlin, la FED était fort. Il y avait aussi des régions industrielles à Thuringen, à Leipzig, d'autres régions où le FED était fort. Et là, ils sont décidés contre la lutte armée, donc de ne pas faire une armée rouge. Et donc, il y avait un mois de combats avec des armes, et c'était une défaite complète, parce que là, c'était déjà en mars 1920, la défaite militaire du Conseil en Bavière, c'était en avril 1919, c'était une année après, l'armée de la République était encore plus forte. L'armée des bourgeois, des corps libres ont été intégrés déjà dans l'armée, et la puissance militaire de l'armée qui disposait, les social-démocrates qui sont revenus au pouvoir après les putschistes qui se sont en allés, ils ont envoyé tout de suite l'armée officielle de la République pour supprimer les armées rouges et les conseils qu'ils ont construits pendant ce mois-là dans la région de Roux. Et c'était aussi une répression féroce et qui a détruit complètement les organisations des communistes, des communistes de gauche et les anarcho-syndicalistes. Et là, après, il y avait un grand débat au sein du mouvement anarcho-syndicaliste. Est-ce que c'était prématuré? Est-ce que c'est bon d'avoir fait une lutte armée ensemble avec les communistes et les communistes de gauche? Parce que c'est ce qu'on a vu pendant ce mois-là, seulement un mois de lutte armée, c'était les anarcho-syndicalistes, les communistes de gauche et les militants du parti communiste. Ils ont déclenché cette armée rouge en conditions égaux. C'était là, ils se sont armés. C'était le peuple armé. Mais après, un mois, juste avant la défaite, les meneurs, les leaders des troupes, des bataillons de l'armée rouge, tout à coup, se révélaient que c'était entièrement soit des communistes, des partis communistes, ou soit des communistes de gauche. Mais il avait écarté tous les anarcho-syndicalistes, même quand ils sont été au début au rang égaux avec les autres. Et avec ça, il y avait un grand débat au sein de l'organisation anarcho-syndicaliste. Pas seulement que c'était prématuré de faire une lutte armée ou chose comme ça, mais est-ce qu'il y avait vraiment la nécessité pour faire une révolution de faire une lutte armée, parce que ça contraint toujours de faire un front, de faire une division entre territoires. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un déclenchement des grèves sur tout le territoire pour arriver à la révolution et des choses comme ça? Il y avait un débat comme ça, mais il y avait aussi un débat sur la double appartenance. Et ça se révélait qu'à l'époque là, la forte adhérence, par exemple, de FAOD, c'était que beaucoup des membres de ces 150 000 adhérents, les anarcho-syndicalistes, étaient en même temps membres encartés de partis communistes ou de partis de communistes de gauche. Et là, on a dit, après la défaite, où il y avait la police de cette défaite, non, on ne peut pas faire une révolution avec des militants qui sont en même temps militants de notre organisation anarcho-syndicaliste et des partis communistes. Là, il y avait ce débat-là. Et au sein de ces débats se trouvait Fritz Oerter et avec lui le courant des anarchistes non-violents, qui était une aile de l'anarcho-syndicalisme à ce temps-là. Il y avait dans une autre aile que aussi des autres qui ont conclu ou tiré d'autres conclusions de cette expérience de l'armée rouge dans le monde. Le Oerter, il a tiré cette conclusion que ça montrait fortement. C'est ce qu'il a déjà écrit sur les difficultés d'une lutte armée et la possibilité d'une lutte armée, que ça va engendrer une nouvelle forme de pouvoir où les anarcho-syndicalistes sont mis à côté. Et c'est ce qu'il a écrit, par exemple, dans ce texte-là. C'est un texte qui est paru juste quelques mois après la défaite de l'armée de Rouen. Et là, je vais, pour conclure, vous citer juste quelques paragraphes là-dessus. Aujourd'hui, c'est un temps où la vie de l'individu est le plus menacée, le plus en perdition, le plus mis à l'épreuve que lors de toutes les époques précédentes. Jamais les êtres humains ont été aussi acharnés, aussi féroces et fous contre leurs semblables que pendant la Grande Guerre et la prétendue révolution qui a suivi. Jamais ils ne se sont causés mutuellement autant d'affreuses et incommensurables souffrances. Jamais n'avait régné par conséquent autant de maladies, de pénuries, de misères et de famines, les assistants de la mort. Cette dernière n'était jamais aussi souveraine qu'aujourd'hui. Mais ce serait trop simple et trop injuste de chercher les responsables de la violence uniquement dans les hautes sphères de la société, chez les souverains, chez les riches et chez les tenants du pouvoir. Le système de la violence a tout empoisonné. Et le monde ouvrier a également été atteint d'une manière grave par le poison. Et on voudrait rendre le mal que les autres ont infligé à la classe ouvrière. Cependant, ce n'est pas seulement contre le capitalisme, l'ennemi politique et économique que l'on s'insurge, c'est, il faut bien le dire, hélas, souvent contre son propre frère, contre son camarade, que l'on prend les armes. Dans la vie privée, comment cela se passe-t-il? Eh bien, il y a ceux qui tout à l'heure s'indignaient lors d'une réunion de la violence des hommes de main des classes supérieures et qui, comme c'est souvent le cas, rentrent à la maison pour tabasser leur épouse et leurs enfants. Avant la guerre, la violence régnait déjà, certes, mais elle n'était pas encore aussi répandue. À côté d'elle pouvaient se déployer les influences de la culture et d'une vie paisible. Aujourd'hui, la violence exerce son pouvoir à l'intérieur de chacun d'une double manière. Elle opprime et fait en même temps de l'opprimé un oppresseur. C'est un cauchemar monstrueux qui a envahi toute la société. Donc il a une conception culturelle de la violence qui vient des 4 ans de la guerre, de la Grande Guerre, et qui empoisonne encore la conscience de l'ouvrier. Cette conception-là est très formateur pour lui. Une autre partie. La guerre n'est qu'un affrontement entre des États sous des pires conditions. Nous sommes des adversaires de la bêtise de la lutte armée, comme nous sommes des adversaires du militarisme et de la guerre. Les expériences abominables de la Grande Guerre nous ont renforcés dans ces convictions. Et maintenant, nous devrions nous arrêter à mi-chemin et justifier la guerre entre les classes alors que nous condamnons la guerre entre les nations. Est-ce bien raisonnable sur le terrain qui est le leur et qu'ils connaissent mieux que nous la guerre du capital de nous laisser distraire de notre voix par nos adversaires? Est-ce que nous devrions prendre des armes qu'ils savent utiliser mieux que nous, puisqu'ils s'y sont entraînés depuis longtemps? On se trompe à penser que les choses qui renforcent l'adversaire vont nous renforcer également. Que la violence vienne d'en bas ou qu'elle vienne d'en haut, de toute façon, sa victoire aboutira toujours à la même chose, à une dictature violente. Dans l'affrontement entre diverses organisations violentes, vaincra toujours le mieux armé, la plus disciplinée et la mieux coordonnée. Dans la plupart des cas, ce sera la classe dominante disposant d'une arme bien entraînée et de l'armement le meilleur. Cependant, si par surprise ou par un exceptionnel coup de chance, un parti révolutionnaire obtenait la victoire, cela ne veut pas dire qu'il aurait vraiment le pouvoir. Il ne faut pas se tromper. L'esprit révolutionnaire ne pourrait jamais être remplacé par l'organisation de la violence. L'usage des armes, l'exercice permanent du combat et l'insécurité conduisent à la longue les soldats, même les meilleurs d'entre eux, à un abrutissement et à un goût de la cruauté. À la fin du combat, le soldat a oublié le but de sa lutte, même si initialement l'intention était sociale. L'abus des armes tient à l'essence et au système même de la violence. Il faut toujours penser que la balle du fusil d'un soldat rouge est aussi bête que la balle du fusil d'un soldat blanc. Le socialisme ne se construit pas au moyen des mitrailleuses. Une culture fragilisée ne peut être fortifiée par la violence. Une autre de meilleure qualité ne peut être créée par la violence non plus. Et le sens profond du mouvement culturel de l'humanité a pour but de neutraliser de plus en plus la violence humaine. Quelle connerie, la guerre. Pour construire un vrai socialisme libre, il est essentiellement nécessaire d'entretenir un esprit communautaire et de justice sociale par des actions collectives et solidaires afin de mettre en place un pouvoir économique indépendant, base réelle du socialisme. La libération et l'affranchissement du prolétariat ne dépendent pas d'un soulèvement violent, mais d'un accroissement et d'une convergence solidaire qui déboucheront sur la capacité de mener des actions économiques de masse. Le prolétariat reste sans défense et sans pouvoir s'il n'est pas pénétré dans l'esprit collectif et solidaire, et si d'aucuns assistent sans réagir, indifférents, à l'assassinat de leurs frères. La violence des oppresseurs ne peut être affrontée que par la solidarité agissante des opprimés. Le pouvoir économique des ouvriers peut être irrésistible et tellement efficace que, tranquillement, on se passera de l'exercice de la violence brutale. Les ouvriers doivent seulement apprendre à pratiquer la grève solidaire, la grève générale, le boycottage, le sabotage et tant d'autres moyens d'action directe sans tergiverser. Et bon, le dernier, il est donc ridicule de dire que ceux qui, par la grève, refusent de travailler et de collaborer au capitalisme exercent également une violence. On dit que la grève générale, c'est aussi la contrainte et la violence. Ça, c'est un jugement complètement erroné. Si je me dérobe à la violence et à l'exploitation du privilégié à mon encontre, où est ma violence? Le pire qu'un capitaliste sera contraint de faire, c'est de devoir aller travailler pour gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il se retrouvera dans une situation ni mieux ni plus mauvaise que la mienne. Personne n'a le droit d'être un parasite. Merci d'avoir autant de questions. Merci de nous avoir parlé de l'histoire de l'anarchisme allemand à travers ces trois personnages. C'est sûr que c'est riche, qu'on ne connaît pas très bien, donc... Je pense que toutes les digressions que tu as faites, elles étaient quand même nécessaires, parce que il y a des noms qu'on a entendus, mais on ne sait pas forcément qui c'est. Donc, si vous avez des questions, c'est à vous. Ou alors, il a été tellement clair que vous n'avez rien à lui demander. Je vous explique. Ah. Moi, j'aimerais un éclairage sur les frontières allemandes, en fait, entre dans les périodes que tu as évoquées. Les frontières et puis l'organisation politique, parce que les Landes, moi, ça ne me parle pas trop, il me semble que c'est organisé comme ça. Comment est faite l'Allemagne dans les périodes que tu as évoquées politiquement? Oui, les frontières sont un peu différentes aujourd'hui. Il y avait le territoire qu'on a aujourd'hui avec... du côté qui se répandait encore plus vers l'Est. L'un, c'était sur le maire de l'Est, vers Danzig. Et l'autre, c'était... Les Sudètes. C'était les Sudètes, oui. Qui sont devenus d'ailleurs très réactionnaires pendant le fascisme et qui voulaient en tout cas attirer l'armée allemande et envahir la Pologne parce que c'était toujours disputé entre la Pologne et l'Allemagne. Donc le territoire était... Les Silésie, oui. Les Sudètes, c'est en Tchécoslovaquie. Ça, c'est là, il parle de toutes les... Le couloir de maintenant, c'est Breslau, c'était Breslau, c'est devenu Wrocław en Pologne. C'est le haut de la Pologne. C'est l'ouest de la Pologne. Silésie, à l'époque, appartenait au Reich allemand, ouais. Mais les Sudètes appartenaient à Tchécoslovaquie. Mais bon, les partis politiques à l'époque, c'était un peu... En fait, je me suis trompé, c'est pas politiquement, c'est plus administrativement. Comment c'était découpé, tu vois. Il y avait, c'est ce qu'on a aujourd'hui aussi, dans l'après-guerre et les années 20, il y avait ce qu'on appelle ici des régions, en Allemagne et des Länder. Qui ont eu pas mal des droits autonomes. Il y avait des droits de l'enseignement, il y avait des droits de la police, par exemple, sur les Länder. Et c'est ce qui est aboli par Hitler après, par le fascisme, qui a reconstruit un État central. Mais une des résultats de la chute, bon, Hörter, il ne dit pas qu'il s'agissait d'une révolution, on dit 1918, il y avait une révolution en Allemagne, mais c'était une révolution que politiquement, bourgeois, qui a aboli l'empereur et l'aristocratisme, mais qui a abouti à une république démocratique bourgeois normale. Et là, on dit, bon, c'était quand même, par exemple, la constitution de Weimar était pratiquement assez démocratique. On peut le comparer peut-être un peu avec la 4e République. Une succession très vite des différents gouvernements et des choses comme ça. Et ça, après que Hitler a tout détruit et est allé au pouvoir, après la Deuxième Guerre mondiale, on a un peu dit que c'était trop libéral, la construction de Länder. Les Länder ont eu trop de pouvoirs juridiques. Donc la Fédération de l'Allemagne et de l'Ouest, d'après la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas aussi libérale que la Constitution de Weimar. Et puis il y avait... une grande situation où tout d'abord, les partis, ils sont été faibles, ils ont été nouveaux, c'est la première fois. Avant la Première Guerre mondiale, l'empereur a toujours fait une suppression sur les partis, ils ont existé, mais même le Parlement n'a pas eu le dernier mot, n'a pas eu vraiment le droit de gouverner. Et les deux premières années, il y avait une concurrence entre les conseils des ouvriers qui se sont créés partout et le Parlement qui était élu au niveau de toute l'Allemagne pour la première fois en 1919 qui se rassemblait à la ville de Weimar dans le théâtre de Goethe-Schiller à Weimar, c'était le premier Parlement, c'est pour ça que c'est appelé Parlement de Weimar. Mais il y avait une petite phase qu'on a vue à Bavière où les Conseil et le Parlement a existé en même temps. Et se sont un peu disputés les droits, les pouvoirs et de quoi ils peuvent régner. Pour rebondir sur la question, là, c'est, par exemple, la Bavière, est-ce qu'il y avait une situation spéciale, un statut, une entre guillemets identité pour qu'il y ait eu cette République des conseils alors qu'elle a. Qui a été plus loin que dans d'autres régions, par exemple. Oui, la Bavière a eu une tradition d'être très, très marginalement liée à ce qui est avant le Deuxième Reich. c'est la Prussie. La Prusse. La Prusse. Oui. Il y avait aussi, par exemple, les régions de Rhénanie. Ce sont des régions catholiques qui sont été minoritaires, comme la Bavière, par rapport au. Avant, ce sont été avant 1870, 71, quand l'empereur est en la France, c'est la réunion de toutes les républiques qui sont été, pas des républiques, ce sont des comtes ou des petits royaumes, comme en Bavière. Parce qu'il y a, en Bavière, il y avait un roi. Et le roi, en Bavière, après 1871, on l'a délaissé avec un peu moins de pouvoir, mais on l'a intégré en tant que roi à un riche. Et donc la Bavière a eu plus d'indépendance que d'autres régions de l'Allemagne à l'époque. Et il y avait toujours aussi cette question, est-ce que l'Autriche fait partie de cette Allemagne réunifiée ou non? Mais par exemple, il y avait beaucoup des échanges, le mouvement anarchiste a beaucoup échangé. Pierre Hamu a fait beaucoup de voyages en Allemagne et a fait des discours en Allemagne de la loi ouvrière. En Suisse aussi, par exemple, c'est pas par hasard que l'organisation de fédération socialiste de l'Andauer s'était étendue fortement. En Suisse, il y avait des groupes à Berne, à Zurich. Il y avait des gens, ils ont souvent fait des liens ensemble. Sous une perspective internationaliste, ça ne comptait pas trop pour eux. Il parlait d'un empereur, à quel moment est-ce qu'il a été destitué? L'empereur. Guillaume II. Après Guillaume II, c'était en novembre 18. Ouais. C'était, ça a commencé avec un mutinerie. Des marins qui sont encore appelés d'aller en guerre à la ville portuaire de Kiel. Et là, ils ont fait une mutinerie. Et avec ça, c'est répandu, c'était le 8 novembre 1918. Et ça, c'est répandu très très vite. Déjà, quelques jours après, il y avait à Berlin. Et puis, donc, de plus en plus de soldats, ils ne sont plus allés vers le front. Mais ils ont dit, on arrête, tout d'abord, et ils sont dispersés vers l'intérieur du pays. Et à l'époque, c'est ce qui est à la différence de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, les armées de l'Ouest, ils ont arrêté leur offensive au moment où l'armée allemande s'est dispersée. Donc ça veut dire... L'intérieur de l'Allemagne n'était pas sous contrôle des armées extérieures et c'était tout à fait pas clair ce qui se passerait. En tout cas, les marins et les soldats qui sont revenus à Berlin, ils ont été très en colère contre l'empereur. Parce qu'il y avait 4 ans de guerre, il ne voulait plus aller à la guerre. Et à Berlin, il y avait aussi quelques combats avec des fusils et des choses comme ça, parce qu'ils portaient des fusils du front, ils sont revenus avec leurs fusils. Mais dans les autres villes, comme à Munich, se passait comme j'ai décrit. Cette notion de conseil ouvrier, elle est née spontanément ou c'était théorisé parce que bon, celui qui l'a théorisé, c'est un Hollandais, mais c'est après, pas des Cooks. C'était pas avant la révolution des conseils, il a écrit ce bouquin après, il me semble. Donc c'est, ce terme de conseil, comment il est né? Il est né en Russie, de ce qu'on a entendu, mais ce n'était pas vraiment clair. C'était déjà connu de la révolution 1905. Et déjà Clara Wichmann et aussi Hörter et les autres, ils ont parlé des conseils déjà après ce qu'ils ont appris ou regardé de près, parce qu'à Petrograd et à Moscou en 1905, il y avait une partie de la révolution, c'était des grèves de masse. Là, partout en Europe, le mouvement ouvrier a pour la première fois vraiment discuté sur les possibilités de basculer une société capitaliste par des grèves de masse. Avant, c'était toujours des barricades, des combats de barricades au sein de la ville. Et puis, on a un peu découvert, avec la révolution russe de 1905, les grèves de masse. Et avec Pauline, qui est montée ici en France, ça s'est répandu, le concept des conseils qui était déjà à l'essence de la révolution russe en 1905. Et beaucoup plus fort en 1917, les conseils se sont constitués déjà en février 1917, donc avant la révolution allemande, par le mouvement de chute de Tsar en Russie. Et ce qui était par exemple très important pour la révolution en Bavière, avant l'annoncement de République des Conseils en Bavière en mars 1919, il y avait une troisième République des Conseils en Hongrie. Il y avait aussi une tentative, c'est un peu avorté comme la République des Conseils en Bavière. Et ça, c'est un fort message de booster à cette époque-là, parce que c'était en mars, c'était directement après le meurtre à Eisner, quand il y avait cette crise-là. Et là, on a entendu le message à côté, à Budapest, il y a aussi une République des Conseils. Donc, il y a une République en Russie, il y a une République des Conseils à Budapest, donc nous, en Munich, on fait pareil. C'était vraiment aperçu comme une vague des mouvements des conseils en relation avec un mouvement révolutionnaire. Quand tu dis les communistes de gauche, c'était Rosa Luxembourg, les spartakistes? Ça, c'était à Berlin. Ça, c'était à Berlin, qui était déjà... ça c'était l'histoire à Berlin, quand l'empereur Guillaume était chuté par les conseils des soldats. Il y avait à Berlin, les événements ont été très très différents à Berlin et à Munich. À Berlin, il y avait à la fois deux gouvernements, un gouvernement qui était annoncé par les sociaux-démocrates, et le deuxième gouvernement communiste par Liebknecht, annoncé par Hitler. Et au fur et à mesure, à la fin des Spartakistes, c'était tout d'abord le groupe des Spartakistes qui ont tenté de continuer ce mouvement de chute de Guillaume à une prise de pouvoir contre cette autre république annoncée par les sociaux-démocrates. Et là, ils ont fait peut-être une faute, mais ils se sont emparés par des usines ou des choses vraiment neuralgiques de pouvoir ou du système économique, mais des centres de presse. Et donc, à Berlin, les Spartakistes, ils ont occupé les grands journaux. Et là, ce n'était pas vraiment le centre de pouvoir. Et les sociaux-démocrates, avec l'aide des corps libres, ils ont appelé à l'aide les militaires réactionnaires. Ils ont abattu la résistance armée des Spartakistes. Et ça s'était fini fin novembre 1918. Et après la défaite seulement, le groupe spartakiste était... devenu le corpus naissant du Parti communiste. Officiel, quoi, l'Église. Ouais. Et après la naissance du Parti communiste, Lévine était envoyé de Berlin, après cette naissance, le Parti à Munich pour organiser le Parti communiste à Munich. C'est compliqué parce qu'il y a un KPD, un KAPD, une association en train de penser. Pour revenir sur un des derniers textes que tu as lu, sur la violence qu'engendre la guerre et tout, il y a une déclaration d'officier israélien il y a peut-être 2-3 ans où il disait exactement pareil, c'est-à-dire que la violence qu'on retrouvait dans la société israélienne, c'est-à-dire la violence contre les femmes, la violence, une violence très très dure, venait du fait que de cette guerre et de cette déshumanisation de tout. Et c'est marrant parce que c'est à peu près la même déclaration. Eh bien, je pourrais enchaîner. Je voulais juste dire, pour revenir à la situation actuelle, je vous conseille vivement la lecture des Anarchistes contre le mur, parce que c'est d'une richesse extraordinaire. Et c'est ce que je trouve juste là, c'est ce que tu viens de dire, c'est que. C'est une série de témoignages hein, par but individuel. Et la violence, elle n'est pas seulement, comme on le sait, par rapport aux Palestiniens, mais elle est aussi à l'intérieur même. C'est une gangrène qui atteint la société israélienne, qui entraîne des difficultés. On l'avait eu, on avait reçu deux jeunes objectrices il y a quelques années. Hein, elle est l'une en particulier avait parlé de ça. Il y a aussi la relation homme-femme, il y a la relation des parents avec les enfants, il y a la relation aussi par rapport à l'homosexualité. Et il y a une fille, entre autres, je ne sais plus son nom, qui soulève la question. C'est exactement ce que disait Fritz Herter. C'est on milite, on fait des actions, on est des activistes. Et puis quand on revient de nos actions, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe qu'à l'intérieur même, les groupes qui sont. Alors, ils ont été qualifiés d'anarchistes, pas par eux-mêmes au départ. Ensuite, la plupart se sont reconnus dans cette étiquette, mais c'est le pouvoir qui les a qualifiés d'anarchistes. Ouais. En fait, ce sont des gens qui s'opposent à la guerre, à l'occupation, au développement des colonies, etc. Et là, cette fille, elle soulève la question de ce qui se passe à l'intérieur même des groupes qui se disent libertaires, se disent anarchistes. Tous ces groupes ne se disent pas anarchistes, mais à l'intérieur de ceux qui se revendiquent comme anarchiste, elle pose la question des relations interpersonnelles. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, c'est fondamental. Ouais. C'est un peu la théorie de Lander, parce que, tu l'as expliqué, mais Lander, sa théorie, c'est qu'il n'y a pas de grand soir, et que en fait, c'est par des pratiques quotidiennes, oui. Des pratiques générales, si tu veux, qui... Mais bon... C'est quand même le vieux fond, quand même anarcho-syndicaliste, il est là, c'est ce qui a essayé de faire, a été fait en Espagne et tout, c'est-à-dire que c'est par des pratiques de vie, des pratiques économiques, des coopératives de consommation, de production agricole et tout, la transformation va se faire là-dedans, voilà. C'est là-dedans, c'est pas d'un seul coup du soir, c'est sa grande richesse, après c'est dur, c'est dur de mettre en route. Des progrès qu'on peut faire en tant qu'individu, et voilà. Oui, mais si tu veux, ces progrès peuvent être faits que s'il y a des embryons de collectivisation, oui, de pratiques collectives qui font que les gens atténuent les rapports violents et de domination qu'il y a en général dans la société. Ça peut être autrement, je crois que c'est ça. Et ça concerne aussi, c'est pour ça que d'ailleurs Clara Bichon est intéressante aussi, c'est que ça concerne l'enseignement. Tous les domaines de la société peuvent être interrogés sur ce plan-là. Et c'est sûr que si ça... Que c'est un... Il y a une évolution dans tous ces domaines qu'on peut arriver à quelque chose. Parce qu'autrement, si on fait une très jolie grève générale et qu'en retour, c'est toujours la même qui fait la vaisselle, eh bien, ça ne va pas changer. Bon, je vais me permettre de raconter une petite anecdote très rapidement. Mon compagnon André Aru a été invité à un meeting des Espagnols. Et il ne voulait pas y aller. Et il dit, mais si Arou, on te connaît, on sait bien qu'on est très bien, etc. Donc, alors il y va, il dit, attention, ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire. Et il a axé son intervention sur deux points. les droits des femmes et l'objection de conscience. Je ne vous dis pas le foin que ça a fait. Hein. Le froid. Le froid. Et après, une bonne copine que vous connaissez certains, Pépita, qui à la sortie, dit André, André tu as entièrement raison, mais il ne fallait pas le dire. Il ne faut pas le dire. Vas-y. Oui, j'aurais voulu un petit éclaircissement concernant justement les mouvements de masse très général tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était effectivement, ils considéraient pas ça comme porteur de la révolution, mais qu'il fallait avant s'implanter, implanter les conseils, les communautés, etc. Et puis la grève générale, elle empêchait l'État en fait de développer. Enfin, elle était contre le développement de ces communautés. Et si on peut comparer, enfin, je ne sais pas quelle portée ça a eu, comment il a pu dire ça, quoi. Parce que nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut la grève générale. Bon, c'est peut-être pas porteur de la révolution, mais on a l'impression quand même que ça aiderait à clarifier les choses, peut-être, dans l'esprit des gens. Avoir d'autres choses, parce que c'est dans la lutte, peut-être, qu'on peut avancer. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça? Mais tout d'abord, c'est de ces trois personnes que j'ai présentées, c'est uniquement l'un d'eux qui a consulté. Chez Clara Wichmann et chez Hunter, tu as notamment l'opposition d'action directe non violente égale action économique. Ça veut dire autogestion et grève générale, à l'opposition de l'action soit politique ou soit militaire du pouvoir. Seulement chez Landauer, tu as une autre conception qui est d'ailleurs souvent répandue dans le mouvement, on peut dire, alternatif, qui veut aller vers un retour à la nature, vers des communautés, construisons en campagne. Moi, je connais par exemple un mouvement très fort dans les années 70-80 en Allemagne, où il y avait une vague de nouvelles collectivités, des petits artisanats. Les artisanats travaillaient, le slogan était travailler sans chef. Sans chef avec des structures autogérées, des choses comme ça. Et il y avait par exemple aussi un grand anarchiste qui est décédé, Roche Stobasser, qui a eu un plan A, un projet A. Ça veut dire, on peut comparer avec Landauer, c'est d'abord rassembler 50 ou une centaine de personnes déterminées, et puis aller s'implanter à un seul moment dans une petite ville, pas trop grande, qu'on coule dans une grande ville, une centaine de personnes qui font des artisanats collectifs, ça ne sert à rien, mais pas dans un village non plus. On envahit la culture politique d'une petite ville de 20 000, 30 000 habitants. Et c'était passé en sud-ouest de l'Allemagne, à Neustadt an der Weichsel, c'est pas loin de Strasbourg. Et là, ils se sont implantés au début des années 2000. Et là, ils sont. Le concept était tout d'abord, on va envahir et faire ou changer d'une manière libertaire le cœur de cette ville, cette petite ville, puis quand ça grandisse, un nouveau meute d'une centaine de militants va à la prochaine petite ville, et ainsi, comme tu fais une petite pièce, et c'est la même imagination que Landauer a eu. On fait d'abord un retrait de la société dominante, on construit une communauté intérieure, et puis d'autres communautés vont suivre parce que c'est toujours un exemple positif qui attire d'autres choses, donc ça va se multiplier. Et avec ça, on va aussi remplir toute la carte. Oui. Mais là, il dit, dans un échange de lettres avec Lao, que à un moment donné, la société dominante ne va pas accepter ça. Parce qu'avec cette conception-là, qui est déjà une conception proudhonienne, déjà, on peut dire, on n'affronte pas le pouvoir bourgeois comme l'on affronte avec un grève générale. Donc ça, c'était toujours le problème de cette conception-là. Et parmi les anarchistes non violents, il y a un vif débat là-dessus. Par exemple, Pierre Ramu, c'est un militant contemporain, et on peut dire, bon, ils pouvaient bien œuvrer ensemble, mais chacun a eu sa propre organisation, chacun a eu sa propre, ses disciples. C'est parfois, c'est gênant, et c'est un peu... mais ils sont tous les deux en forte égo aussi, hein, ça c'est le problème. Mais, par exemple, l'anarchiste non-violent Pierre Ramu se considérait comme anarchiste communiste. Et lui, il avait aussi une conception de l'action au sein des usines, de faire en tant qu'autogestion communiste, de faire une grève générale, et avec ça, créer une situation révolutionnaire. Mais ce n'était pas la conception de Landauer. Landauer, c'était plutôt ce proudhonien avec des exercices en dehors. Qui aurait prouvé qu'on pouvait vivre autrement. Oui, et avec cette preuve-là de se multiplier et devenir majoritaire. Mais à un moment donné, ça, c'est toujours pas bien réfléchi dans ces concepts-là. C'est pour ça que souvent, les gens, ils disent, à la fin, il y a une certaine naïveté dedans, parce qu'à un moment donné, il faut concevoir que la société dominante ne va pas se laisser aller. Tant qu'il n'y a qu'un ou deux, ou une dizaine, ou une vingtaine, des exemples comme ça, bon, le capitalisme libéral se dit, oui, on est libéral, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand ça devient vraiment un mouvement de masse, ils ne vont pas laisser faire. Et là, c'était le débat des stratégies, c'est un débat de stratégie, bien sûr, au sein des... Et on a, par exemple, chez nous, on a un débat comme ça, sur des stratégies comme ça, aujourd'hui aussi. Il y a le mouvement en Catalogne, ce que fait Enric Durand sur les coopératives intégrales. Il reprend un peu ça, c'est tout à fait... De créer à partir des coopératives de consommation, c'est le plus facile à faire, après les coopératives de production, après les coopératives agricoles, de créer tout ça et tout. Bon, c'était les collectivisations en Aragon, hein, c'était ça hein, aussi, c'était totalement. Mais c'est sûr que l'État et ceux qui ont le pouvoir et les dominants. Au début, ça les gêne guère, mais dès que le système leur système économique est contourné ou il est mis en danger, c'est sûr que... Sur les AMAP ou les SEB, ils aimeraient bien mettre des impôts. Hein. Non, c'est pas révolutionnaire, mais ça les gêne quelque part. Aussi. Oui, puis on voit rien qu'au niveau des discours, comme ils arrivent à reprendre tout le discours dans le développement durable, dans tous ces trucs-là et tout. C'est-à-dire qu'ils essayent chaque fois de le réintégrer au capitalisme. Ils ne veulent surtout pas que ça soit intégré au socialisme libertaire. Oui, mais ça c'est normal, moi je pense que c'est normal, ils défendent leur intérêt. Oui. Donc on va... Ah, vas-y. Le problème, c'est nous qu'on les défend mal. Sur l'histoire de la Bavière, d'Arménie, qu'est-ce qu'on peut dire Arthur sur le bel album de la chaîne Nautilus. Ouais. Je ne l'ai pas ici, mais on aurait la référence. Je crois qu'il est encore disponible. En langue française, il y a très peu de choses. Arthur a écrit un truc sur la révolution en 18. Ça s'appelle, comment il s'appelle, on va le retrouver. Peut-être pour conclure, il y a trois grands mouvements dont on a une certaine expérience pour l'anarchisme en langue allemande. C'est ce grève générale réussite de Butch de Cap en 1920. Puis, bien sûr, c'est souvent oublié, mais c'est la chute du mur. Mais aussi le mouvement des masses contre les centrales nucléaires de l'Allemagne et de l'Ouest, le mouvement anti-nucléaire, qui a réussi. À un certain moment, il y avait un impasse, parce qu'il y avait toujours des combats, aussi souvent très violents, des autonomes contre la police, dans des sites où ils voulaient construire des centrales nucléaires. Mais là, on a fait un tournant de stratégie, et le tournant de stratégie, c'était s'attaquer à l'infrastructure. Et dès que tu as l'infrastructure dans l'état atomique, tu as toute une chance de vastes possibilités de faire des blocages comme un peu, par exemple, on peut bien comparer avec la stratégie de CGT aujourd'hui de faire bloquer les raffineries et les dépôts de carburant, de trouver un point neuralgique de système industriel. Et c'est ce qu'on a fait, et on a mis, par exemple, l'industrie nucléaire en Allemagne était tellement en défense ou en retraite les dernières années, bien sûr avec l'aide des catastrophes comme Fukushima aussi, mais c'était parce qu'on a réussi de faire un tournant de stratégie de toujours couper et bloquer et faire des sabotages dans toute l'infrastructure qui est absolument dépendant d'un système qu'on dise centraliste que le nucléaire. En fait, ce serait l'informatique aujourd'hui. Oui, ça aussi, oui. Oui, c'est sûr. Il y a quand même pas mal de gens qui s'y attellent. Pour moi, c'est le football. Oui. Ça peut être intéressant parce que ça c'est une vraie religion. Ça. Mm-hmm. C'est ponctuel. Oui, mais c'est ponctuel. Le retour du vote. Oui, mais là, cela quand même. On remercie Bernard, merci à vous pour votre participation. Et bon, c'est plein de pistes de lecture. On va attendre plein de nouvelles traductions aussi parce que pour en savoir plus. Puisqu'on est peu nombreux à parler, à pratiquer, à lire l'allemand, on avait Arthur parmi nous qui est un excellent qui a traduit pas mal de choses. Tu l'as rappelé parce que ça, et en plus c'était quelqu'un de très modeste hein, parce que son nom n'apparaît même pas. C'est traduit de l'allemand, mais il faut le savoir que c'est Arthur. Disons qu'il avait plusieurs noms. Quelqu'un a écrit, c'est traduit de l'allemand, son nom c'est lui. D'accord. Donc on va continuer la discussion autour d'un verre.